L'entretien d'embauche. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Asseyez-vous, installez-vous. J'arrive dans quelques secondes. Oui, je viens de voir votre CV, donc il est pas mal surchargé. Vous êtes, je vois, ingénieur informatique, 25 ans d'expérience. Oui, c'est pas mal, hein, oui. Vous avez fait quoi, donc vous avez fait du développement? Si je développe? Je développe tout, moi. Tout, absolument tout. J'ai fait beaucoup de développement. Je développe des tas de projets informatiques. Mais l'informatique, c'est ma vie. Vous savez ce que c'est qu'un programme? Un programme? Mais bien sûr. Le programme de la journée, le programme de la semaine, le programme du mois, le programme de l'année. Eh oui. Je sais ce que c'est qu'un programme. COBOL, vous connaissez? COBOL? C'est normal, c'est la mode. C'est le verlan de beau col. Si on a un beau col de chemise, c'est le COBOL. C'est pareil. C'est tout à fait pareil. Eh oui. Java, vous connaissez? Java. Mais qui n'a pas dansé la Java? Java, c'est mon thème de prédilection, Java. Java, qui connaît pas Java? Oui. Ah oui. Je chantais la Java le samedi à Broadway, c'était comme un gueuleton. On dit France, on y va, la Java de Broadway. Eh oui, ouais, c'était... Vous savez ce que c'est qu'une table? Une table? Mais bien sûr. Les tables de multiplication? Les tables en bois? Les tables... les tableaux, tout ce que vous voulez. Bien sûr. C'est où ce que c'est qu'une base? La base. Mais la base, c'est la base de tout. La base, c'est ce qu'on pose dessus. On pose tout sur une base. Il faut avoir une base dans la vie. Et une base de données? Ah, c'est une base particulière. C'est une base donnée. Une certaine base qui est donnée. À l'instant T. Voilà, c'est tout. Et des langages de programmation, vous en connaissez beaucoup? Le français. Moi, je programme tout le temps en français. C'est naturel, c'est simple comme langage. C'est au moins on se comprend, quoi. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un démon sous Unix? Un démon? Attendez, vous rigolez quoi? Moi, quand je vais au travail, j'amène toujours mon fusil sur moi. Il n'y a pas de démon avec moi. Ils sont tout de suite fusillés. Hein. On les élimine. Savez-vous ce que c'est qu'un disque dur? Disque dur? Et disque de platine? Disque d'or? C'est les disques durs? Eh oui! Si vous savez combien de fois Johnny a des disques durs? Eh. Il en a des disques durs, oui! Vous connaissez Lotus? Lotus? Mais naturellement! On est collé comme cul et chemise! Je suis collé avec Lotus! Je m'y suis avec d'ailleurs, c'est sûr! Enfin, je parlais de Lotus Notes. Lotus Notes? Eh ben, au lieu de s'essuyer avec, on écrit des notes! Vous écrivez des notes dessus. C'est tout. Vous savez ce que c'est qu'un programme qui plante? Un programme qui plante? Moi, jamais il plante. Parce que si le programme il plante, moi je le plante. Tout de suite. À la seconde. Et si un serveur tombe, comment vous faites? Un serveur tombe, vous le relevez? Alors, faut être humain, non? Qu'est-ce qu'il y a? Et si un serveur vous plante? Alors, s'il me plante, moi je le plante aussi, hein? Alors, on passe foutre de moi, ouais. Et il a quand même servi. Vous savez ce que c'est qu'un process? Process. Process, c'est pas process, c'est process qu'il faut dire. 15 ans d'anglais, moi, monsieur, oui, oui. Process, c'est logique. Je n'ai pas besoin de vous donner la définition. C'est tellement logique. Non, écoutez, là, vous me prenez pour un... Non. Je vous dirai pas ce que c'est. Ah, attendez. Savez-vous repérer des sites pirates sur la toile? Des sites pirates? Eh, pas de problème. Et si tu trouves des choses sur la toile, tu utilises insecticide? C'est direct. Le chef, ça vous dit quelque chose? Ah, ça, c'est un problème d'essence. Faut jamais être en cours d'essence. Toujours aller voir Shell, ou Total, ou Elf, ce que vous voulez. Vous savez ce que c'est qu'un jeu d'essai? Jeu d'essai? Facile. Vous jouez une fois, vous jetez la poubelle. C'est tout. Ça sert qu'une fois. C'est comme les appareils photo jetables. Vous savez ce que c'est qu'une plateforme? Plateforme? Vous me prenez pour un idiot, quoi. Et c'est une forme qui est plate. Une plateforme. Vous connaissez Windows? Windows? Mais bien sûr. Vous savez quoi? Bill Gates, c'est mon ami. Avec lui, les premiers temps, on avait fondé Clear Windows. Pour les fenêtres propres, impeccables, nettes. Aucun problème. On voyait tout bien net avec les Windows. Si un disque dur plante, comment vous faites? Si il est dur, il plante pas, y a pas de raison. Sinon, faut prendre un disque mou. Et un disque mou, il plante. Prenez le disque mou. Après, vous le faites durcir à l'eau chaude. Il devient disque dur. Si vous avez un problème de puce, vous faites comment? Ah, les puces. C'est pas ce qui manque chez moi. Hein. Si vous voulez, je ramènerai mon chien tous les jours au boulot. Aucun problème. J'ai ce qu'il faut. Vous savez ce que c'est qu'un spam? Spam? C'est pas du mot... C'est pas ma faute à moi? Non, c'est pas ça. Non. Vous connaissez Domino? Domino? J'ai 16 ans de Domino, moi, monsieur. Personne ne me bat au Domino. Vous connaissez le C, C++? C++, le C. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que C++, de par son nom lui-même, c'est plus que le C. Obligé. Et le C lui-même, il est plus que le B. Et avant le B, il y avait le langage A. Eh oui. Mais ne demandez pas ce qu'il y avait avant le A, ben je sais pas, là. Mais moi, je vais vous dire, je vais anticiper l'avenir. Je vais écrire un langage, il n'y aura jamais après. Vous savez pourquoi? Je crée le langage Z, moi. Le Z. Eh ouais, il n'y aura plus rien après le Z. Plus jamais un.